Ndikomanyanga. Merci de rester branché sur nos antennes. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord le sommaire. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique, devrait analyser ce qui a poussé le lauréat des années 2022 et 2023 à ne pas se faire inscrire à l'Université de Burundi, à l'École normale supérieure ENS. Cet appel est de Jean Samandari, président de la coalition Éducation pour tous, Bafashevig, et vous l'entendrez dans ce journal. Certains citoyens s'inquiètent par rapport à la grippe qui s'observe chez les nourrissons et les jeunes enfants depuis quelques temps. Vous entendrez certains parents des enfants malades rencontrés par la radio-télévision Isanganiro à l'hôpital militaire de Kamenge. Et trois jeunes gens habitant le quartier Kanyengoko de la ville de Rumonge sont dans les mains de la police de Rumonge depuis le soir de ce 22 novembre courant. La police les accuse d'avoir violé sous caméra une bonne prestant dans ce quartier. Bienvenue à cette édition dont la mise en onde est assurée par Rick Wiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. 230 kilos de cannabis ont été saisis par la police à Kayanza au niveau de la commune Muruta, dans la réserve naturelle de la Kibira, la nuit de ce mercredi. Ce chanvre venait de la République démocratique du Congo, selon les sources policières. Le fraudeur, son chauffeur et le véhicule de type Probox au bord duquel était transporté son cannabis sont gardés au cachot du commissariat de police de Kayanza pour des enquêtes judiciaires. Trois jeunes gens habitant le quartier Kanyengoko de la ville de Rumonge sont dans les mains de la police de Rumonge depuis le soir de ce 22 novembre courant. La police les accuse d'avoir violé sous caméra une bonne prestante dans son quartier. Ils sont sous interrogatoire pour être traduits en justice au niveau de la FENADEB, Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, antenne de Rumonge. L'on ne réclame que la justice à la survivante, n'est-ce pas Jean-Pierre Misako? Le présumé viol a été commis entre 14h30 et 15h55, selon des sources sur place à Kanyengoko, confirmées par la police de Rumonge. Dans un premier temps, un de ces jeunes gens de 18 ans appelle chez lui sa copine également de 18 ans. Mais le jeune garçon avait invité deux de ses amis et ils l'ont successivement violé. Avec des images prises par un téléphone portable de l'un d'eux, selon ces mêmes sources. Ce seraient ces images qui auraient servi de base de menace que si cette fille révèle le secret ou refuse une autre invitation, ces images seraient publiées sur les réseaux sociaux. Après être alertée, la police de Rumonge a arrêté ces trois jeunes gens avec le téléphone utilisé dans la prise des images et la victime est conduite à l'hôpital. C'est pour interrogatoire puis les traduire en justice, apprend-on de la police de Rumonge. Au niveau de la FENADEB, antenne provinciale de Rumonge, l'on fait savoir qu'il s'agit là de l'une des conséquences des abandons scolaires. Cette fédération demande à la justice de ne dire que le droit et aux parents d'être vigilants pour éviter des abandons scolaires. Jean-Pierre Misago de Pirumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago pour tous ces détails. Page santé à présent, je vous le dis en titre. Certains citoyens s'inquiètent par rapport à la grippe qui s'observe chez les nourrissons et les jeunes enfants depuis quelques temps. Des parents rencontrés par la radio-télévision Isanganiro à l'hôpital militaire de Kamenge, en mairie de Bujumbura, disent qu'il s'agit d'une grippe caractérisée par une forte fièvre et une toux. Ils affirment craindre que cela soit la COVID-19 qui se manifeste en cours. Le pédiatre Pi Nibirantije tranquillise que cela est dû au changement climatique, appelant cependant la population à ne pas minimiser cette maladie et faire soigner les enfants à temps. Reportage de Sheila Irambona. Cette personne est un parent que nous avons rencontré à l'accueil du bâtiment mère enfant de l'hôpital militaire de Kamenge, un endroit où nous avons trouvé beaucoup de parents et d'enfants, surtout de moins de 10 ans lorsque nous étions sur place. Interrogés, les parents nous ont indiqué qu'ils sont venus faire soigner leurs enfants. Ces derniers souffrent de la grippe depuis quelque temps. Ils s'inquiètent parce que cette maladie s'accompagne par une forte fièvre ainsi qu'une toux plus grave que d'habitude. Ils ont peur que cela soit de la COVID qui se manifeste encore une fois. Chez moi, tous les enfants sont malades. Ils toussent et vomissent en même temps. Ils ont une forte fièvre également. Nous ne sommes pas tranquilles car nous n'arrivons pas à nous endormir la nuit. On se réveille à chaque fois pour voir si notre enfant n'a pas de fièvre parce qu'ils sont à chaque fois fiévreux. À ce propos, le pédiatre Pi Niwilanije confirme que l'épidémie de grippe existe bel et bien, mais que ce n'est pas de la COVID. Il appelle les parents à faire soigner leurs enfants à temps pour éviter des complications. Ici, dans notre hôpital, beaucoup d'enfants, les nourrissons, les petits-enfants, même les grands-enfants, qui souffrent de la grippe, qui vient souvent chaque année quand la saison pluvieuse commence, on observe des cas d'autres. Mais les enfants, les petits-enfants, je dirais les nourrissons, dans moins de 6 mois, sont beaucoup plus vulnérables par rapport aux autres enfants. Pourquoi ? Parce que des fois, on voit que peut y avoir dans un premier état de la grippe et secondairement, il peut y avoir comme complication teinte des bronchioles. Il n'y a aucun souci, les parents n'ont pas à s'inquiéter. Cette grippe n'a rien à voir avec la COVID. On conseille les parents de venir consulter les médecins et les pédiatres pour que ces pédiatres puissent, bien sûr, prodiguer des conseils après un traitement adéquat. Cette situation se présente ainsi alors que cet hôpital informe que parmi les 100 enfants accueillis dans le service pédiatrie, 70 enfants présentent des signes de cette grippe. Merci à Sheila Irambona pour tous ces détails. Dans la même page santé, c'est un offre de soulagement pour la population de la province Bururi en général et de Kirimba en particulier. Après l'inauguration ce jeudi d'un hôpital de l'église Pentecôte, car les spécialistes, dont un gynécologue et un radiologue, vont prester quelquefois cette structure de soins. Selon Edine Ndikungiko, cet hôpital d'une capacité d'hospitalisation de 120 personnes est un don d'un bienfaiteur suédois offert dans le but de sauver les vies humaines. Le gouverneur de Bururi a vivement salué ce don. Les détails avec Zenon Zambimana. Dans cet hôpital Anders Gahole de Kirimba, en commune province de Bururi, tous les services pour qu'une structure de soins soit un hôpital sont disponibles, selon les experts en matière de la santé qui étaient sur place. C'est un hôpital avec le matériel moderne, dont une radio numérisable, l'endoscopie digestive, deux échographies, sans oublier le matériel multisystème de laboratoire. Pasteur Elie Ndikunhiko, premier pasteur de l'église Pentecôte de Kirimba, qui a initié ce projet, a fait savoir que cet hôpital est d'une capacité d'hospitalisation de 120 personnes qui a été construit à Kirimba, étant d'un bienfaiteur suédois du nom de Anders, dans le but de sauver les vies humaines. Pasteur Elie Ndikunhiko a profité de l'occasion pour présenter au public qui était sur place les membres du conseil d'administration de cet hôpital, dont Dr Gikoro Emmanuel, un radiologue, ancien ministre de la Santé, et Dr Ozaï, un gynécologue, tous natifs de la province de Bururi et qui vont prester quelquefois dans cet hôpital. Certains des habitants de Kirimba, qui devraient se rendre à Bujumbura pour chercher ces spécialistes, disent que c'est un offre de soulagement. Le gouverneur de la province de Bururi, colonel Dasimane Zamaso, qui avait représenter le gouvernement du Burundi dans ces cérémonies d'inauguration de cet hôpital, a vivement salué l'initiative du premier pasteur et du don offert par ce bienfaiteur. Il a en outre demandé que cet hôpital soit doté d'un appareil scanner. Vous saurez que l'église Pentecôte de Kirimba compte aujourd'hui ses 9 centres de santé et cet hôpital qui a été inauguré ce jeudi. Depuis Kirimba, en province de Bururi, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. La radio de l'avenir. Après cette courte pause, l'actualité continue avec la page éducation. Le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a décidé de revoir à la baisse les notes minimales exigées pour certaines filières de l'Université du Burundi et de l'École normale supérieure NS parce que l'effectif de 10 000 lauréats attendus n'est pas encore atteint. Le secrétaire permanent du ministère indique toutefois que ce ne sont pas toutes les filières qui ont toujours besoin de candidats. Suivez plutôt Frédéric Wangrinama, secrétaire permanent au ministère de l'Éducation. Dans l'orientation à l'enseignement supérieur public, je veux dire à l'enseignement à l'école normale supérieure et à l'université du Burundi, nous tenons compte des moyens disponibles et nous tenons compte également des places disponibles. Après cette analyse, il a été trouvé que sur les 24 113 lauréats, c'est-à-dire ceux qui ont obtenu 50%, dans les deux éditions, édition 2022 et édition 2023, c'est-à-dire 11 566 pour édition 2022 et 12 537 pour édition 2023, après un partage équitable, nous avons trouvé que 2022, on pourrait accueillir 4 799 et 2023, 5 201. Après ce calcul, il a été lancé un communiqué faisant appel à l'inscription. Une attente d'une année à la maison, ce n'est pas pour tout le monde. Si vous avez un enfant et que vous avez les moyens suffisants pour garantir sa formation, je ne vois pas comment un parent pourrait attendre toute une année son enfant étant à la maison, déambulant, n'ayant rien à faire. Et surtout, pendant cette période, il peut y avoir des accidents, et particulièrement pour les filles. C'est ainsi que beaucoup de parents préfèrent sauver leurs enfants et les envoyer dans les différentes universités privées, que ce soit au niveau national, que ce soit à l'étranger. Ça peut être un des facteurs. Et le deuxième facteur, il y a des filières qui ne sont pas très prisées par les élèves. Cela étant, après la première étape, il a été remarqué qu'il y a certaines filières qui n'ont pas pu avoir les candidats au nombre suffisant, y égard aux places disponibles. Plus de 1200 places de la première année de baccalauréat de l'Université de Burundi restent toujours vacantes. Selon un communiqué sorti par la direction des services académiques de cette institution, c'est après que le ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique ait pris la décision de revoir à la baisse ce lundi la note exigée pour entrer à l'Université de Burundi ainsi qu'à l'École normale supérieure NS. Selon toujours ce communiqué, les filières qui ont toujours des places disponibles sont la filière de langue et littérature africaine et la filière de langue et littérature française. Les places qui restent sont respectivement 176 et 170, tandis que la Polytechnique dispose encore de 123 places disponibles. La filière qui dispose encore de peu de places est celle de biochimie, soit 20 places selon toujours son communiqué. Le gouvernement du Burundi, à travers le ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique, devrait analyser ce qui a poussé les lauréats des années 2022 et 2023 à ne pas se faire inscrire à l'Université du Burundi et à l'École normale supérieure NS. Cet appel est de Jean Samandari, président de la coalition Éducation pour tous, Bafashebigé. Il apprécie cependant le fait que le ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique ait relancé l'inscription de ses lauréats, arguant que les places sont toujours disponibles à l'Université du Burundi à LNS. Suivez Jean-Marie Jean Samandari. Et au niveau de la coalition Éducation pour tous, Bafashebigé, d'abord nous remercions le ministère et l'Éducation dans ses attributions pour cette décision prise de prolonger le délai pour l'inscription des étudiants au niveau de l'Université du Burundi et au niveau de l'École normale supérieure. Ça, c'est une bonne idée. Et probablement que si réellement l'effectif attendu n'a pas été atteint, il n'y avait pas d'autre voie à faire que de prolonger le délai. Les raisons peuvent être multiples. Je peux penser que probablement les lauréats n'ont pas pu trouver du temps suffisant pour trouver des documents, par exemple. Et il peut arriver que certains ont eu des difficultés pour trouver ces documents, d'où c'est une chance pour eux qui vient d'être les raccordée. Mmh. Deuxièmement, au niveau des pourcentages, des points, qu'on vient de revoir aussi en baisse, Et il peut y avoir plusieurs raisons. Ce qui est sûr, c'est que en tenant compte des effectifs de places disponibles au niveau de l'Université du Burundi, de l'école normale supérieure, c'est en tenant compte de cette place qu'on fixe les pourcentages pour avoir accès à l'enseignement supérieur dans ces deux institutions. Nous avons voulu donc revenir sur l'ordonnance relative à l'octroi du prêt bourse. Il est accordé aux étudiants de l'Université du Burundi et à ceux de l'École normale supérieure NS sur demande écrite de l'intéressé adressée au ministre et en fonction des dotations budgétaires de l'État. Les lauréats doivent avoir aussi l'examen d'État avant cooptation. 50% Omer Ndouayo nous fait la lecture de cette ordonnance ministérielle du 22 mars 2018. L'article 1er de l'ordonnance ministérielle numéro 610.540/360/2018 du 22 mars 2018 stipule que cette ordonnance vient en application du décret numéro 100/18 du 1er février 2017 portant réorganisation du système de gestion des bourses d'études et de stages. L'article 2 définit le prêt bourse comme une assistance financière accordée sous contrat par le gouvernement sous forme de crédit sans intérêt pour la formation des cadres et est remboursable. L'article 4 de cette ordonnance, quant à lui, détermine les conditions d'octroi du prêt bourse. Ce sur demande écrite de l'intéressé adressé au ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions avec copie pour information au directeur du bureau des bourses d'études et de stages. Le candidat doit être de nationalité burundaise, être porteur d'un certificat ou diplôme exigé par la formation pour laquelle le prêt bourse est demandé, disposer d'une attestation de réussite de l'examen d'État avant cooptation et détenir une attestation de non-poursuite judiciaire. Pour obtenir le prêt bourse, le candidat doit d'abord signer un contrat annuel et renouvelable précisant les obligations de chaque partie. Ce contrat à signer est entre le ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions, le bénéficiaire, le parent ou son tuteur et le ministre des Finances. Lorsque le bénéficiaire est exclu de l'institution d'accueil pour des fautes lourdes comme la tricherie, s'il ne renouvelle pas son contrat de prébourse, son prébourse est retiré, stipule l'article 16. L'article 19 et 20 indique que ce prébourse est mensuel, versé sur les comptes des bénéficiaires. Il s'agit de 60 000 francs burundais. Pour le premier cycle, ces frais incluent la restauration, le transport, l'hébergement et autres soins. Bouclons ce journal sur cette page société où certains habitants du sud des déplacés de Gasegni en commune Rango de la province Kayanza craignent que les chantiers de leurs maisons en construction sur les collines d'origine risquent de s'effondrer à cause du retard du don en tôle promis par le gouvernement burundais. Deus Babahokoub Gayo, administrateur communal de Rango, les tranquillise que la question a été soumise aux autorités compétentes et qu'elle trouvera solution dans un futur proche, n'est-ce pas, Patrick Sengyonf? Le site des déplacés de Gasegni en commune Rango de la province Kayanza héberge 850 ménages aujourd'hui qui ont quitté leurs collines d'origine après la crise politico-ethnique qui a endeuillé le Burundi en 1993. Certains de ces habitants s'organisent pour construire des maisons à ces collines d'origine, bien qu'ils éprouvent des difficultés liées au manque de tôles pour couvrir ces maisons. Dieudonné Sengiumva, le chef du site Gasegni, indique qu'il y a ceux qui ont déjà érigé des murs de leurs maisons, mais qui craignent que ces murs des maisons en construction puissent s'écrouler dans cette période de fortes précipitations. D'après le chef du site des déplacés de Gasegni, l'année passée, le président burundais a donné des tôles aux déplacés qui avaient construit des maisons pour regagner le bercail et a lancé un appel vibra aux autres de construire à leur colline d'origine et bénéficier de la part du gouvernement burundais en don en tôle. Certains de ces déplacés du site Gasegni disent qu'ils ont construit des chantiers et attendent toujours ces tôles. Certains parmi eux disent d'ailleurs qu'ils ont fait recours à la paille pour couvrir leur maison. Au niveau de l'administration communale, Rango ont dit être au courant de la situation. Deyusi Babahokubwayo, administrateur communal Rango, fait savoir que le problème a été soumis aux autorités compétentes et qu'il trouvera solution dans les meilleurs délais. Signalons que dans la commune Rango, il y a quatre cités de déplacés, dont Gasegni, Gaheta, Karie et Muzumule. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiumva pour la radio Isanganilo. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Rekouimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikobanyanga. Bonne suite des émissions sur les ondes de la radio Isanganiso.